Première question ici, est-ce que les sept péchés capitaux, sans être péchés, sont des vampires mangeurs d'énergie à son meilleur? Je pense, Daniel, entre autres, tantôt, tu parlais des... Bon, juste pour enchérir sur cette question-là, est-ce qu'à un moment donné, chez l'homme, à chaque niveau d'haussement d'énergie, certaines affaires comme la vanité, la paresse, l'agressivité, etc., à certains taux, il y en a un qui débarque, un autre qui débarque, ça marche-tu comme ça ou c'est... Plus l'homme évolue, oui. Selon les paliers d'évolution de l'homme, tu as certains problèmes, disons, psychologiques qui, comme tu dis, vont débarquer. Alors, comme tout à l'heure, j'expliquais un peu, la personne se fout de la vie, à un moment donné, elle commence à penser que ça a une importance. Alors, c'est la même chose pour la jalousie, pour la vanité, pour plusieurs choses dans le genre. Et à un moment donné, selon son degré d'évolution, l'être va passer à un autre plan, qui va être presque les antipodes de ses défauts, disons, où elle va être altruiste, où elle va donner, où elle va être... Enfin, tout l'inverse complètement de partager jusqu'à son mari ou sa femme, au lieu de rester jaloux. Alors, donc, plus la personne va évoluer, plus elle va passer de palier. Maintenant, ce qui est important, et ça, j'en ai déjà fait une conférence, c'est que l'homme n'évolue pas selon un faisceau d'énergie qui est ascendant. C'est que l'homme évolue selon des millions de faisceaux d'énergie qui ont une tendance à monter. Cela veut dire que tu peux t'améliorer au niveau de ton plan colérique. Par contre, tu peux involuer ou amplifier ton plan de jalousie. Tu peux améliorer ta confiance, par exemple. Tu n'as plus peur de la mort, mais tu as peur de voir mourir. Alors, il y a plusieurs choses qui vont avancer en même temps chez l'homme, et l'homme n'est pas à un point stable d'équilibre. C'est-à-dire que son plan physique, quand on le décortique en gros, comme on le fait par exemple dans le PMC, le plan physique est un gros schéma d'évolution qui peut être moins évolué que le plan psychologique, ce qui est souvent le cas. Le plan psychologique peut être en avance sur le plan mental. La personne, elle a quand même une psychologie très avancée, elle est très humaine, mais elle a un plan mental inférieur. Elle peut avoir un plan vital inférieur à son plan physique, donc elle est toujours malade, toujours fatiguée, elle manque d'énergie. Elle peut avoir un plan vital supérieur, un plan psychologique inférieur, puis un plan mental supérieur. Donc, et non pas mental supérieur en sens supramental. Et la personne, elle intellectualise tout, elle n'a pas tellement d'émotions, elle ne vit pas grand-chose. Alors, ça, on parle juste au niveau de ses plans. Une personne peut avoir une évolution, donc l'ensemble de tout ça qui peut permettre de voir, de dire, la personne, elle est à tel niveau d'évolution. Mais il n'y a pas d'un niveau d'évolution parce que tout se fait sous plusieurs plans. Et l'idée, premièrement, c'est d'arriver à avoir un ensemble équitable au niveau des plans. Donc, faut savoir économiser l'énergie dans un plan particulier où ce qu'on en a moins. Et comment découvrir qu'on en a moins dans une place ou dans une autre, c'est quelque chose, disons, sur lequel on va revenir plus tard. Mais la personne va évoluer selon différents petits tubes d'énergie qui ont tendance à monter. Dans le corps physique, tu as plusieurs choses. Tu peux avoir un corps en excellent état, puis un estomac tout magané. Tu peux avoir les jambes extrêmement puissantes, puis un dos qui est très faible. Alors, même au niveau de ton corps physique, tu as donc plusieurs muscles, et tes muscles sont pas là juste pour te dire que t'as trop couru quand t'as fait du jogging. Hein? Tes muscles sont là pour te servir, et chacun des muscles a son niveau d'évolution. Un peu comme dans le plan psychologique, tu vas avoir tous les mécanismes de la morale, ce que la morale a essayé de défendre. C'était simplement de dire à l'homme, ne prêche pas l'antipode d'une forme d'énergie plus haute. Mais cette forme d'énergie plus haute n'est pas ce qu'il y a de plus haut. À un moment donné, l'homme passe par-dessus toutes ses bonnes qualités, par-dessus tous ses vertus, et l'homme dépasse tout ça pour devenir ce qu'il est, et c'est drôlement supérieur à ce que tout l'homme a pu mettre en mots. Mais c'est toujours par petits morceaux. Et donc, c'est normal qu'une personne évoluée puisse avoir peur des serpents. Cela n'a pas de rapport, parce qu'il y a une parcelle d'elle qui manque d'énergie. Le reste en a. Et une personne équilibrée peut, de temps en temps, paraître plus évoluée qu'une personne très évoluée, parce que dans l'expression globale de son être, on a l'impression qu'elle est complète. Mais elle a un point de vue qui est, elle peut paraître un maître, elle peut être un gourou, mais elle a un point de vue qui est planétaire, qui est expérientiel. Alors donc, l'humanité évolue un peu comme des pistons, sauf qu'à un moment donné, il faudrait que ça monte, ça arrête de descendre après. Alors ça, on revient à la question, tu m'en poses une, tu m'en poses une autre, bon. J'espère de bon. Alors, ce que les sept péchés capitaux, premièrement, on met souvent le chiffre 7 en ésotérisme comme dans les religions, parce que cela plaît. Il y a des choses qui sont cycliques au niveau, disons, du chiffre 7, parce que le chiffre 7 représente la création, parce qu'il est l'addition du chiffre 3, qui est symbolisé par un triangle qui a trois côtés, qui représente l'intelligence, et par le chiffre 4, qui a quatre côtés, qui représente la matière, parce qu'il y a quatre éléments supposément qui créent la matière, plus un cinquième qui est la surface du carré, mais il y a quatre éléments planétaires, l'air, la terre, l'eau et le feu. Donc, le carré représente la matière et le triangle l'idée. 3 plus 4, ça fait 7, c'est l'idée qui prend forme, donc la création. Et à partir de ce terme, disons, qui est septenaire de création, souvent, on va, lorsqu'on découvre quelque chose dans la psychologie humaine, on va le numérologer d'une façon à ce que ça fonctionne avec ce qu'on connaît. Alors, on a eu 12 apôtres. En réalité, le chiffre 12 symbolise le chiffre 1 qui est l'actif et le chiffre 2 qui est le passif. Donc, 1 plus 2, 3 qui est le résultat, c'est l'univers. Et on a les 21 arcanes, 21 par exemple, lettres de l'hébreu, qui est le chiffre 12 à l'envers. Et lorsque quelque chose arrive, ben là, on met ça à 12. Comme les apôtres étaient 12, il n'y avait plus que 63 apôtres. Mais on met 12 principaux. Alors, les 7 péchés, je peux vous en sortir un 8e, puis un 9e, puis un 10e. Capitaux, c'est vrai, parce que c'est une perte d'énergie, puis c'est de la capitale, là, 7 péchés capitaux. Maintenant, péché, évidemment, faut éliminer le terme, sont des vampires. Qu'est-ce qui est le vampire? Surtout, ce n'est pas l'acte que l'on fait. Lorsqu'une personne parle de péché, elle est sucée en énergie de deux façons. Par un acte inconséquentiel qui va avoir un rapport karmique, donc, où elle aura à repayer l'énergie qu'elle aura pris, ou qu'elle aura dépensée, donc elle le paye déjà. Ça, c'est un des problèmes. Elle se fera prendre de l'énergie de cette façon. Mais surtout si elle fait un péché. Parce qu'une personne qui commet un péché perd 100 millions de fois plus d'énergie qu'une personne qui commet une erreur. Parce que lorsqu'une personne commet un péché, elle aura, parce qu'elle a appris le péché, elle apprendra aussi à se repentir, à se culpabiliser. C'est le karma relatif de la personne relié au péché. Alors moi, j'écrase une grenouille avec un marteau, je commets une erreur. Karmiquement, à un moment donné, je recevrai une chiure de oiseau dans l'œil. Ça me coûtera un verre de contact. Une autre personne écrase une grenouille avec un marteau et elle se rend compte qu'elle a commis un péché. Elle va en perdre l'énergie, bien plus que moi. Parce que chaque fois qu'elle va voir une grenouille, elle va payer pour. Chaque fois qu'elle va voir un petit animal se faire écraser, elle va payer pour. Elle va revivre ce qu'elle a fait. Elle va se repentir, oui, elle va même se creuser, elle va tellement donner de l'énergie pour compenser un acte qu'elle aurait commis, qu'elle paie d'une façon dégueulasse quelque chose qu'elle a fait. Si à un moment donné, tu insultes quelqu'un dans la rue, c'est un péché au niveau du catholicisme. Moi. Tu insultes un prêtre. Ah, c'est différent. C'est la même entité. Quand ils vont aux toilettes, ils font la même chose. C'est vrai. Les médecins disent. Lorsque tu insultes ta mère ou ton père, selon l'éducation que tu as eue, c'est pas la même chose que d'insulter ton chum. C'est la même affaire. Mais selon l'énergie que tu vas mettre à payer ce que tu as fait, c'est-à-dire à tenter d'équilibrer ce que tu as fait, tu vas être sucé en énergie. Alors, tu as commis quelque chose, tu peux compenser à juste valeur, fais-le. Mais si la personne veut t'aider et profiter de l'occasion, ce qui est souvent le cas, tu as fait quelque chose, tu viens t'excuser, puis là, je continue, puis en fin de compte, t'en veux des excuses, hein? J'en veux, tu m'achètes des fleurs, du gâteau, tu me prêtes ton auto, tu sais, bon, ben là, à un moment donné, là, tu commences que là, c'est l'autre qui tombe en péché, son père de péché. Alors, lorsque tu commets quelque chose qui est, non pas qui est, disons, déséquilibré au niveau d'échange énergétique, tu peux compenser à juste valeur. Mais pas te faire céder parce qu'à un moment donné, t'as commis une erreur. Là, il y a une marge. Alors, les 7 péchés capitaux, le 8e péché capitaux, premièrement, c'est de penser qu'on fait des péchés. Hein? N'y a pas qu'à d'autres. Le péché, c'est quelque chose qui n'existe pas. Les seuls qui pêchent, c'est du monde qui se font pêcher. Et on pêche des poissons. Pouvez-vous élaborer sur une autre valeur d'échange que l'argent, soit le troc? Ben, c'est la même chose. On troque de l'argent. Je te donne un meuble, tu me donnes une autre chose. On l'appelle pierre. C'est la même chose, sauf que c'est plus pratique de trimballer 10 000 piastres dans ses poches que de trimballer son char. Trimballer 800 piastres que de trimballer mobilier de cuisine. Alors, c'est la même chose. L'argent puis le troc, c'est la même chose. Sauf qu'à un moment donné, l'argent a été tellement le symbolisme de toute la matière que l'homme pouvait posséder avec son argent, qu'il est devenu quelque chose qui a développé la vanité chez l'homme, la vanité de l'or, parce que l'or représentait l'achat, pouvoir d'achat, la vanité de l'argent, et après de la monnaie, qu'on appelle l'argent, parce que ça représentait le pouvoir d'achat. Et on a fini par maudire l'idée du pouvoir d'achat, donc ce qui supportait l'idée, l'argent. Mais faire du troc, échanger un verre d'eau contre un verre de jus, ou acheter un verre de jus puis acheter un verre d'eau, c'est la même chose. Alors, le temps que je mets à fabriquer un meuble, le temps que tu mets à fabriquer une porte, je te donne le meuble, tu me donnes la porte, c'est la même affaire. Mais lorsque j'ai mon meuble et que tu veux pas de meuble et que je veux une porte, ben j'ai l'air fin. Je donne mon meuble à quelqu'un qui veut un meuble, lui me donne de l'argent, je te donne l'argent, tu me donnes la porte, tu prends l'argent, tu vas acheter à quelqu'un d'autre, disons que l'argent, c'est le troc, sauf que c'est un troc rendu pratique, et on doit rendre pratique les échanges d'énergie. Donc, le troc, c'est la même chose que de l'argent. C'est une valeur. Et la valeur, ben évidemment, il ne faut pas attacher à l'argent plus de valeur qu'elle en a. Et c'est ce qui a, disons, dégénéré en avarisme, en vanité. Et c'est ce qui a fait bannir ce genre de péché ou de, disons, de désharmonie énergétique. Et on a, parce que l'homme fait souvent ça, lorsque l'homme a un problème, il attribue toujours son problème au support sur lequel il met la chose. Alors, tu veux de l'argent, maudit soit l'argent. Pas maudit soit l'argent, maudit soit le désir d'en posséder pour rien faire avec. Alors, tu veux du matériel, maudit soit la matière. Non. L'homme a souvent condamné la matière. L'homme est fait de matière. L'homme n'a pas condamné la matière. L'homme a condamné l'attraction injustifiée qu'il a envers la matière lorsqu'il n'en a pas de besoin. Parce que vous ayez des greniers pleins à craquer de grains pour rien, ou que vous ayez un coffre en banque plein à craquer d'argent pour rien, c'est le même phénomène. Vous passez votre temps à accumuler pour rien de l'énergie. Parce que sachez bien que si un jour, vous aviez, par exemple, vous auriez 100 000 $ en bijoux, et que vous les placiez dans un coffre que vous enterriez quelque part dans un champ, puis tous les jours, vous allez vous asseoir sur votre coffre et vous flattez la terre en vous disant « vous avez 100 000 $ en bijoux là-dedans », puis dans 10 ans, vous allez déterrer votre coffre, et ça va faire 9 ans que quelqu'un l'a volé. Vous allez avoir quand même passé 9 ans à jouir au-dessus de votre terre, que vous avez 100 000 $ à vous. Puis c'est ça le mécanisme où l'homme place de l'énergie d'une façon incoordonnée, injustifiée, irraisonnée. Que je l'aille mon argent en banque ou non, quand je regarde mon livret de banque, je vois les chiffres, je suis tout content. Mais je l'ai peut-être plus depuis longtemps, si je ne vais pas boire, si je m'en sers pas. Une personne peut aller voir ses bijoux, mais ça change rien pareil qu'elle n'a pas besoin de savoir, de voir, elle n'a même besoin de savoir qu'elle en a. Alors donc, ce qui fait que, disons, le troc ou n'importe quel genre de phénomène énergétique, c'est la même chose. Tu vas voir un psychologue, tu donnes de l'argent, il te donne de l'énergie psychologique. Tu vas voir un professeur, tu donnes de l'argent, il te donne de l'énergie mentale. Tu vas voir un médecin, tu donnes de l'argent, il te donne de l'énergie physique. L'argent représente, après l'homme, comme tout à l'heure je vous disais, l'une des meilleures expressions de tous les plans énergétiques. Parce qu'il sert l'homme. Lorsqu'il sert l'homme, lorsqu'il rend l'homme esclave de lui-même, lorsque l'argent est devenu le maître de l'homme, c'est autre chose. Parce que l'argent, c'est comme n'importe quelle maudite entité qui manipule l'homme. Lorsque l'homme attribue trop de valeur à quelque chose qu'il a créé, il s'agenouille devant la chose. Or, certains se promènent avec des revolvers, avec des sacs d'argent, puis sont prêts à perdre leur vie au nom de l'argent des autres. C'est le même phénomène que lorsqu'on se met à genoux pour prier des entités qu'on appelle supérieures, entités qu'on a créées nous-mêmes dans l'égrégore de l'astral. Et c'est toujours le gros problème, c'est lorsque l'homme oublie qu'il l'a créé. Ben, c'est l'homme qui l'a créé, l'argent. Hein? L'argent n'est pas venu au monde avant l'homme. L'homme est apparu, il a créé l'argent, puis l'homme a continué à naître après. Mais l'argent est là pour servir l'homme. C'est un service que l'homme se donne en matérialisant l'énergie sous forme d'argent. C'est l'énergie divine, on laisse de l'argent. D'ailleurs, toutes les églises le savent. Qu'est-ce qu'une mère peut faire avec un enfant qui lui demande beaucoup d'énergie? L'enfant, de prime abord, est un être à éduquer, qui a une programmation génétique particulière qui va donc lui permettre d'avoir une forme de psychologie permise par son système endocrinien, une forme de contexte mental permis par son système neurologique et une forme d'évolution d'expérience permise par le reste de son corps. Parce que c'est sûr que s'il n'y a pas de jambes, il y aura une expérience différente de quelqu'un qui a des bonnes jambes. Ensuite, l'enfant, on l'éduque. Et on l'éduque à partir de ce qu'il est, de brime à bord. Parce que pour l'évolution, et ça, ça comprend tout ce qui évolue, tout ce qui s'améliore, pour l'évolution, il y a deux critères majeurs. Il y a la génétique, ce qui crée le véhicule, et il y a le milieu ambiant, l'écosystème dans lequel le véhicule va évoluer. Alors, vous apparaissez dans un corps, et vous avez déjà ces possibilités-là d'évolution. Maintenant, le reste des possibilités va être déterminé par l'extérieur, par votre éducation, par ce qui va vous permettre de l'expérience. Et lorsqu'un enfant demande énormément d'énergie, c'est qu'il a été éduqué à quêter son énergie. On l'a instruit à demander de l'énergie. On l'a instruit à voler de l'énergie. Évidemment, la mère ou le père ne verra sans doute pas qu'il a éduqué son enfant à voler de l'énergie. Parce qu'il ne poserait pas de questions. Il saurait qu'est-ce qu'il a fait, puis il saurait quoi faire pour le faire l'inverse. C'est inconscient. Et on a déjà parlé dans des conférences qui parlaient de, justement des relations entre l'homme et la femme, entre l'homme et l'enfant, où l'homme, lorsqu'il rencontrait une femme et vice-versa, et les deux s'éduquaient l'un l'autre à vivre ensemble. Et lorsqu'à un moment donné, on avait une femme possessive, c'est que l'homme avait accepté que la femme possède. Et lorsque l'homme était écœuré de se faire posséder, après 15 ans où il avait laissé l'autre la posséder, ben, il comprend plus. La première fois qu'un enfant vient vous quitter de l'énergie, si vous vous en rendez compte puis que vous coupez court à ce vol, il va réessayer après 4-5 fois, il ne volera plus. Mais lorsque pendant un laps d'années indéterminé, on accepte de jouer son jeu, ben lui ne comprendra pas la journée qu'on ne voudra plus jouer son jeu. Et nous, on va vouloir cesser de jouer ce jeu lorsqu'on est tanné. Ou lorsqu'à un moment donné, on comprend qu'on se fait jouer. Alors l'enfant qui demande énormément d'énergie doit apprendre certaines choses. C'est comme un bébé, par exemple, qui pleure, et lorsqu'on va le voir, on le réconforte, il cesse de pleurer. Dans certaines émissions de télévision qui se passent dans des petites prairies, cela est extrêmement correct, c'est beau. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est en train de fabriquer un enfant qui va pleurer toute sa vie. Parce que lorsqu'il veut quelque chose, il pleure. Et si on a un enfant qui pleure et qu'on le laisse pleurer, parce qu'à un moment donné, on est capable de discerner entre un pleur de détresse réelle d'un pleur de tétage d'énergie, et qu'on va voir l'enfant seulement quand il y a du plaisir, parce qu'à un moment donné, l'enfant, il s'écarte de pleurer. Et pleurer quand on pleure, c'est rire. Alors, il va commencer à s'amuser et à se distraire. Là, c'est le temps d'aller voir l'enfant si on veut donner de l'énergie. Et au bout d'un laps de temps, on a un enfant qui est un enfant heureux. Les deux sont autant heureux, mais un l'exprime en broyant, l'autre l'exprime en riant. Et à un moment donné, les pleurs font une perte d'énergie terrible qui va amener l'individu en dépression. Il va devenir malheureux. Il a été éduqué à être un homme malheureux. Et l'autre enfant qui a de l'attention lorsqu'il est heureux développera le mécanisme d'exprimer du bonheur pour attirer l'attention, au lieu de brailler pour attirer l'attention. Mais le parent qui ne voit pas ce qui se passe, ne le sait pas. Et à un moment donné, il y a un enfant qui, à 6 ans, braille toujours. Il braille parce qu'il a faim, au lieu de le demander. À un moment donné, il va apprendre à le demander, parce qu'on va finir par le chicaner, on va finir par taper dedans, on va finir par le demander. Mais on aura toujours quelqu'un qui va rencontrer ses amis avec un air de dépression. Quelqu'un qui va rencontrer, qui va aller chercher un emploi avec un air de pitié. Toujours une personne qui va toujours exprimer ce qu'il ne devrait pas être exprimé, ce qu'il n'est pas. Et l'autre individu qui est éduqué de façon à attirer l'attention en étant jovial, en étant joyeux, en étant plein d'énergie, va être un être humain comme ça, et effectivement, ça va marcher, va attirer l'attention. Alors donc, lorsqu'on a une personne qui demande beaucoup d'énergie, c'est qu'elle a été éduquée à accepter son énergie. Elle demande de l'attention, elle fait tout pour attirer l'attention, parfait. Donnez-y de l'attention quand elle fait quelque chose qui est en harmonie avec un être humain qui s'améliore. Et non pas avec un être humain qui manipule. Alors la personne, évidemment, si l'enfant a 7 ans, si l'enfant a 12 ans, si l'enfant a 16 ans, ben évidemment, c'est plus dur. Après 16 ans de programmation, on veut le déprogrammer en un an. Ça se fait pas. C'est sûr. Alors donc, continuellement, au niveau des échanges d'énergie, sachez bien que lorsqu'une personne vient vous têter votre énergie, que vous la laissez faire, elle n'ira pas voir ailleurs. Elle va venir tous les jours, quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement vous voir, têter votre énergie parce que vous l'avez dressée à venir vous voir parce que vous donniez de l'énergie. Lorsque vous avez soif, est-ce que vous allez à une fontaine qui n'a pas d'eau? Non. Vous allez à une fontaine qui a de l'eau. Mais elle vous éduque à venir. Parce que lorsqu'il n'y aura plus d'eau, vous ne viendrez plus. Vous allez y aller 2, 3, 4, 5 fois. Parce que vous allez vous rappeler de la belle fontaine pleine d'eau, puis vous allez espérer qu'il va en avoir. Et si la fontaine est asséchée, à un moment donné, vous allez oublier la fontaine, vous allez changer de place. Puis ça, c'est important. Et lorsque la fontaine coule, quand vous n'avez pas soif, vous allez pouvoir découvrir comment elle est belle, la fontaine. Mais lorsque la fontaine coule, chaque fois que vous avez extrêmement soif, vous commencez par boire, vous ne voyez rien d'autre. Mais c'est la même chose pour l'homme. Si quelqu'un vient vous voir et que vous êtes une fontaine jaillissant en énergie, ben, elle n'ira pas courir ailleurs. Et on a des êtres humains qui, pour se sentir sécure, et c'est le problème de l'être humain, il doit se sentir sécure dans son niveau de basse évolution. Et pour se sentir sécure, certains êtres humains apprennent qu'ils doivent percevoir de l'énergie continuelle autour d'eux. Alors, partout où ils vont aller, ils vont être un tourbillon de folie pour déranger tout le monde, pour que tout le monde les engueule, pour que tout le monde leur parle, pour que tout le monde sache qu'ils sont là. Là, ils sentent sécuritaires. Ils sont dans un cadre sécuritaire, un cadre qu'ils ont connu, un cadre qu'ils ont mémorisé. Alors, il y a plusieurs enfants, vous savez, qui se sentent en sécurité après avoir été, après avoir mangé une volée. Pas un enfant qui en mange une tous les jours, là. Un enfant qui en mange une très rarement, mais de temps en temps, il sait plus. Puis après avoir mangé une volée, il broye, puis après ça, il est heureux, puis dorme. Il vient. Le même matin, il est en bonne disposition, ses parents, tout va bien, il est replacé, il se sent bien. Et la fessée, c'est très éducatif. Pas quand l'homme est tanné. Quand on voit pourquoi. Alors donc, un enfant qui, toute l'énergie, c'est comme un adulte, c'est parce qu'on l'a dressé, alors il est temps de faire un dédressage. Et ce dédressage-là, on ne le fait pas chez lui, on le fait chez vous. C'est vous autres qui devez vous arranger pour fermer. Et c'est beaucoup plus facile de dire oui que de dire non. Et c'est pourquoi l'homme, qui est un être facile, se laisse souvent aller à des oui. Et dire non et être implacable. Parce que sachez bien que tous ceux que vous avez habitués à venir vous têter, lorsque vous ne voudrez pas, ben ils voudront pas eux autres non plus. Ils vont vous culpabiliser, ils vont sortir tout ce qui est religieux, tout ce qui est moral, ils vont sortir vos dettes, ils vont tout sortir ce qu'ils peuvent sortir. La menace, tout ce qu'ils font pour vous têter. Alors, faites attention à ce genre de mécanisme. Évidemment, il ne faut pas couper les liens avec tout le monde, parce qu'à un moment donné, vous allez vous ramasser avec un autre problème, qui n'est pas relié à la compréhension des échanges d'énergie. Je répète qu'on doit donner, mais seulement comme cela doit être fait et lorsque cela doit être fait. Il y a un proverbe chinois qui dit que donner un poisson à un homme, c'est bon, et lui apprendre à pêcher, c'est mieux. Sauf que si votre homme veut absolument avoir des poissons, puisque vous savez que des poissons, vous n'en aurez pas tout le temps, vous voulez y montrer à pêcher, il veut des poissons, ben, qu'il ait mangé d'autres choses. Ou bien, qu'il apprenne à pêcher. C'est votre énergie, c'est vous qui êtes le boss, vous savez ce qui devient, ce qui doit être fait, l'autre le voit pas, ça ne dépend pas de l'autre, donnez-lui pas des poissons. Montrez-lui à pêcher. Il veut pas apprendre à pêcher, il se croise les bras, il ferme les yeux, il attend que vous donniez un poisson. Allez, bizarre. C'est tout. Qui se prennent en main. Il veut un poisson, c'est un poisson qui se prennent en main. À un moment donné, ben, il va arriver à apprendre à pêcher, puis vous allez pouvoir aller pêcher à côté de lui, puis jaser d'égal à égal. Vous allez voir que c'est plaisant, maudit, de rencontrer des êtres humains debout à un moment donné. On se tête pas. On pêche tous les deux, on a poisson tous les deux, puis on jase. On échange. Ça, c'est intelligent. Ben intelligent. Si j'en pêche trois, puis j'en pêche pas, j'en donne un. C'est intelligent. Parce qu'il sait pêcher. La journée qui va m'en manquer, il risque de m'en donner. Parce que c'est intelligent, je sais pêcher. De cette façon-là, on fonctionne. Mais lorsque on a éduqué pendant longtemps une personne à recevoir des poissons et qu'un jour on décide qu'il n'y en donne plus, imaginez-vous pas que c'est facile. Pas lui qui décide qu'il n'y en veut plus. C'est vous qui décidez que vous n'y en donnez plus. Vous allez devoir finir, puis vous en allez. Mais lorsqu'on doit donner, parce qu'il y a intelligence de donner, il faut donner. Le bruit des grandes villes, la musique endiablée, mange beaucoup de nos énergies. Comment s'en sortir? Alors, s'acheter un Walkman bien, bien correct, puis me faire mettre une cassette de silence, puis l'écouter. Hein? C'est une idée. Bon, évidemment, la meilleure chose pour sortir du bruit des grandes villes, c'est sortir de la ville. Bon, ça, tout le monde le sait. La musique endiablée, etc., ben, il faut simplement pas en écouter. Moi, personnellement, j'en écoute pas. Puis quand je vois des places qu'on en écoute, ben, je les laisse en écouter, puis moi, je vois pas. Compliqué, mais bien. J'ai même d'ailleurs été au mariage à ma sœur, et puis moi, je suis resté dehors, parce que dehors, je trouvais que la musique était suffisamment forte. Les autres, ils dansaient dedans. Alors, je m'en trouvais insociable, mais aujourd'hui, j'ai encore des bonnes oreilles. Les autres, ben, ils mettent leur son un peu plus fort. Pour entendre comme il faut. Manger de l'énergie, il n'y a rien qui mange de l'énergie contre le gré de l'homme. C'est parce que l'homme laisse son énergie s'en aller qu'on mange de l'énergie. Et c'est de cette façon que l'homme éduque l'extérieur à le voler. S'il y a bien du bruit, vous pouvez ne pas l'entendre. Cela influence quand même votre tympan, mais pas de la même façon. Cela ne gruge pas d'énergie psychologique comme quand vous l'entendez et que vous n'êtes pas capable de fermer vos oreilles. Parce que sachez bien que l'homme a des paupières pour fermer ses yeux, et que l'homme a aussi des mécanismes pour court-circuiter l'amener d'électricité, l'amener de son à son cerveau. L'homme a aussi des paupières pour fermer ses oreilles. Comme l'homme a des paupières pour fermer son goût, comme l'homme a des paupières pour fermer son sens tactile. Présentement, quand vous vous levez le matin, vous vous habillez, vous sentez le poids du linge sur votre corps, mais présentement, vous le sentez pas. Parce que vous deviendriez fou si continuellement vous passeriez votre temps à sentir le poids, tout ce qui vous touche. Mais c'est tactile quand même en dessous. Mais à un moment donné, vous ne l'entendez plus, vous ne le sentez plus. Parce que cela vous aurait rendu fou ou folle. C'est la même chose pour les oreilles, ça se développe. De quelle façon? C'est des techniques qui sont trop longues à expliquer ce soir. C'est des techniques, c'est des choses qui se pratiquent. Que nous autres, qu'on voit au niveau du PMC, mais qui prennent des semaines à apprendre. Mais à un moment donné, on entend très loin ce qu'on veut entendre à travers un gros brouhaha de son, exactement comme on est capable de voir quelque chose à travers le reste qui est lumineux. On a développé notre vue d'une façon extraordinaire, plus que le reste de nos sens, la majorité des êtres humains, parce que la vision faisait partie, la lumière faisait partie de l'idée que l'homme se faisait de l'évolution. Mais sachez que la lumière, c'est de l'énergie, que le reste, c'est de l'énergie matérielle autant que la lumière, comme les photons, comme les sons, comme le son, le goût, le toucher, tout ça. Et l'homme doit développer ses choses, ses goûts, ses sens physiques à une façon extrême. Et donc, lorsque vous entendez des sons trop forts, des bruits trop forts, il suffit simplement de fermer ses oreilles, comme on ferme nos yeux. Lorsque on sent des choses qui sont nauséabondes, on ferme son nez. Certains le font avec une pince. D'autres ne sentent plus. Et c'est important de ne pas attendre que l'usure fasse qu'on ne sente plus, puis que l'usure fasse qu'on n'entende plus. Il faut qu'on puisse entendre ce que l'on veut entendre à travers le bruit qu'on veut nous faire entendre. Alors, comment s'en sortir? Ben, c'est ça. C'est de développer une écoute qui va être sélective et de développer un mécanisme qui nous permet de ne plus entendre, de ne plus goûter. On vient pas fou, on a la paix. Nos yeux se sont habitués à ce genre de choses, on a des paupières. Notre corps, notre peau s'est habituée à ce genre de choses, elle capte et elle ne capte plus. Alors si on met quelque chose sur moi, je le sens. Ça reste là, au bout d'un bout de temps, je ne le sens plus. Il est toujours là, mais je ne le sens plus. Parce que je viendrai fou. Ça serait achalant. Alors c'est la même chose pour nos oreilles. À un moment donné, ça devient achalant. Faut s'habituer à fermer ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui nous fait perdre de l'énergie? C'est lorsque c'est ouvert et que psychologiquement, on lutte contre. Là, on perd de l'énergie en nous. Si une personne se vide de son énergie, il devra refaire le plein. Tu dis de conserver son énergie sur certains plans, ça fonctionne. Mais n'est-il pas essentiel de se vider pour refaire le plein d'énergie neuve? Car tout ce qui reste, renfermé trop longtemps, pourrit et se désagrège. Bon. L'énergie, elle circule. Lorsqu'une personne pourri se désagrège lorsque nous parlons d'énergie, les termes ne sont pas bons. Lorsque nous prenons de l'eau stagnante et que l'eau pourrit, sachez bien qu'énergétiquement, elle n'a pas pourri. Dans le plan où elle s'exprime, il y a une transformation. Mais les molécules d'oxygène, les molécules d'hydrogène sont les mêmes. Le degré d'énergie qui les fait vibrer est le même. Par contre, si nous transformons l'eau en glace, nous diminuons son taux d'énergie. Et si nous l'augmentons en vapeur, nous augmentons son taux d'énergie. Mais ce n'est pas le pourrissement qui change quelque chose. Lorsque l'homme accumule de l'énergie, il fait comme une batterie. Et lorsque l'homme accumule de l'énergie, il rayonne. Et lorsque l'homme rayonne, ce qui rayonne de lui rentre en résonance avec des rayonnements similaires, donc il attire. Et son plan d'amour monte. Conserver son énergie, cela ne veut pas dire la rendre pourrissante, parce que ça ne pourrit pas de l'énergie. Par contre, lorsque l'expression de cette énergie dans un plan particulier est mal contrôlée, lorsque l'expression est limitée, il y a une transformation de ce qui s'exprime, pas de l'énergie. Mon corps physique, lorsque je dors pendant un mois, maigrit, s'assèche, perd de sa force. Mais l'énergie physique reste la même. Par contre, le véhicule dans lequel elle s'exprime, vu qu'il n'est plus en accord avec le plan matériel dans lequel elle s'exprime, ce véhicule a une tendance à être de moins en moins efficace dans le plan où s'exprime. Cela veut dire que lorsque j'accumule de l'énergie physique, si je l'accumule par mon corps physique, et ce qui est le cas, je dois l'accumuler selon les lois qui régissent mon corps physique dans le plan physique. Sinon, il y a pourrissement du corps, pas de l'énergie. Ça, c'est important. Même un corps qui pourrit parce qu'il est mort, l'énergie ne pourrit pas. La forme qui exprime l'énergie pourrit, pas l'énergie. C'est pourquoi une personne âgée peut avoir un enfant et donner un enfant jeune. La forme a une tendance à se transformer, pas l'énergie. L'enfant qui vient au monde d'une mère de 80 années, c'est un enfant qui n'a pas fait de santé. Et sachant pour ça que je connais des personnes qui ont eu des enfants à l'âge de 80 années. C'est rare, très rare. Comme il y en a qui l'ont eu à l'âge de 12 ans, puis 10 ans, puis 8 ans. C'est rare, ça existe. Mais au Guatemala, j'ai rencontré une personne qui avait 63 ans, et elle m'a présenté ses enfants au nombre de 30. Alors sachez bien que, et puis elle en avait encore, elle avait un tout dernier qui était encore en couche. Mais là-bas, c'est du formal, mais enfin, disons c'est des couches au Guatemala. Et sa ménopause, c'était pas tout de suite. Ça dépend des endroits, ça dépend des pays. On a plus de tendance d'avoir des enfants qui sont maganés pour d'autres raisons, mais pas au niveau de la vitalité, parce que la peau d'un enfant mongol qui naît après disons, d'une femme de 50 ans, c'est le même genre de tissu, c'est aussi énergétique, sauf qu'étant donné qu'il y a eu des problèmes génétiques, mais pas des problèmes énergétiques. On peut avoir une déficience au niveau de l'enfant, mais pas au niveau de l'énergie vitale qui est dedans. Ça, c'est très important à bien voir. Donc, lorsqu'une personne conserve son énergie, elle l'accumule, mais à la condition qu'elle s'en serve. Parce que c'est le véhicule qui va pourrir, donc il faut que se serve de ce véhicule selon les lois du plan dans lequel il s'exprime. Le corps physique a besoin de nourriture physique, en santé, de nourriture qui amène ce que le corps a besoin biologiquement. Il a besoin d'éliminer les toxines que la nourriture lui amène, ça c'est important, maudit, parce que l'un des gros problèmes de l'évolution de l'homme, c'est la constipation physique. Ça paraît bien ridicule, mais c'est vrai. Ça crée plein de toxines, ça serait beau d'être végétarien, mais il faut commencer par aller aux toilettes avant. Alors, quand on vous envoie chier, profitez-en. Alors, ce qui veut dire que lorsque on fait de l'exercice physique, on accumule de l'énergie dans notre corps physique, mais on la conserve surtout. On en dilapide un peu. Pas en mouvement, en chaleur. Ça, c'est une chose qu'il faut faire que l'homme règle à un moment donné. Qu'il cesse de transformer les 9/10 de son énergie en chaleur et le reste en énergie motrice. Et ça va venir. C'est des choses qui se font, qui se pratiquent sur le corps physique. Lorsque l'homme est son maître chez lui, là, ça se fait. L'homme a un plan vital. Il doit ramasser de l'énergie vitale par la nourriture. Une nourriture vivante. On en a déjà parlé souvent. Bon. L'homme doit se servir de son corps vital selon les lois du plan vital. Et le corps vital ne pourrira pas. La sexualité, l'émission d'énergie vitale, plusieurs autres choses. L'homme a un corps psychologique, le corps astral. Il doit accumuler de l'énergie astrale d'une seule dose écœurante. Extraordinaire. Il en a besoin pour supporter un mental. Mais il doit se servir du corps astral, de son corps psychologique, de son âme, selon les lois qui régissent le plan de l'astral. Sinon, l'âme pourrit. Le corps astral pourrit. Pas l'énergie. Mais l'homme ne peut accumuler de l'énergie que par le corps. Et si le corps pourrit, il n'accumule plus d'énergie, donc son évolution est arrêtée. L'énergie reste la même. L'homme a un corps mental et l'homme, pour accumuler de l'énergie mentale, doit se servir du corps mental selon les lois qui régissent le plan du mental. Donc, le fait d'accumuler de l'énergie, cela ne signifie pas que l'énergie va pourrir, elle ne peut pas pourrir. À la condition que le corps qui accumule, que le condensateur, que l'accumulateur, soit régi par des lois qui sont en harmonie avec le plan dans lequel il s'exprime. Et lorsque c'est la psychologie qui décide comment le corps physique va accumuler du chocolat, du coke, du Pepsi, de la cocaïne, ben il y a un problème. Parce que c'est le plan psychologique qui vient déterminer comment va vivre le plan physique. Et lorsque c'est le plan psychologique qui détermine comment le corps physique va sortir son énergie, lorsque le plan physique se met en colère, lorsque la psychologie sert du corps physique pour être en colère, pour être jaloux, pour trembler, pour avoir peur, pour toutes ces choses-là, c'est le plan psychologique qui détermine encore de quelle façon l'énergie physique et vitale vont être dilapidées. Et là, il y a pourrissement bien plus que la personne qui conserve son énergie. Lorsque vous vous réveillez un matin, tout plein de peps, tout barbouillé d'enthousiasme, ben, vous êtes plein d'énergie. Et si vous restez comme ça tout le temps, il n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, elle s'en va, cette énergie-là. Et vous diminuez votre taux vibratoire. Et ça part. L'homme ne pourrit pas parce qu'il conserve son énergie. L'homme pourrit parce que l'énergie d'un corps tend à donner le mot d'ordre aux autres corps. Lorsque le corps astral de l'homme, lorsque la psychologie de l'homme tend à décider pour le physique comment il va agir, pour le vital, comment il va agir, pour le mental, comment il va agir, et qu'il laisse à même de créer son cadre d'évolution psychologique, son corps, son monde spirituel, ces choses-là, avec des lois fictives qu'il s'invente pour pouvoir se diriger, l'homme pourrit. Peut-on contrôler tous les transferts d'énergie? Sinon, pourquoi? Si oui, comment? Ah, c'est bien. Habituellement, sinon, pourquoi? Pour ne pas le reste. Bien. L'homme peut contrôler tous les échanges d'énergie, par contre, l'homme ne contrôle pas. L'homme contrôle presque rien au niveau des échanges d'énergie. Maintenant, c'est quelque chose qui va changer, c'est quelque chose qui a commencé à changer pour bien du monde. Non, pourquoi? Pour la simple raison que l'homme n'est pas encore conscient qu'il y a échange d'énergie, parce que l'homme, comme tout à l'heure, je vous parlais du mot Dieu, l'homme qui ne sait pas c'est quoi Dieu, l'homme qui a le mot Dieu et que le mot suffit à désigner ce qu'il comprend, sans comprendre. Alors l'homme qui dit « tout est énergie », c'est quoi « tout est énergie » ? Ben, tout est énergie, tout est vibration. C'est quoi « tout est vibration » ? Ben, c'est ben niaiseux. C'est même, c'est fini souvent. Parce que c'est quoi la vibration, c'est quoi de l'énergie? Alors comment savoir qu'il y a échange d'énergie lorsqu'on n'a pas encore pris conscience, lorsqu'on ne perçoit pas, lorsque ce n'est pas tactile presque pour nous, cet échange d'énergie? Alors c'est pour ça que l'homme ne contrôle pas tous ces échanges d'énergie. Par contre, l'homme va y arriver parce que l'homme va comprendre, et l'homme qui évolue de plus en plus comme c'est le cas, l'homme arrive à comprendre l'importance de cette préservation d'énergie. Il commence dans la matière, par l'électricité, par l'eau, par le charbon, par l'huile, par le pétrole. Il commence par la matière. C'est normal. Mais sachez bien que l'homme, v'là 20 ans ou 30 ans, que la collectivité n'aurait jamais pensé économiser l'énergie, encore que plusieurs personnes ne l'économisent pas. Commencer à économiser l'énergie, c'est commencer par le plan de la matière, et c'est normal, parce que c'est le plan le plus facile où on peut voir l'échange d'énergie. Et par après, c'est extrêmement facile de faire un rapport entre l'énergie matérielle et l'énergie du plan vital, et l'énergie du plan psychologique. La personne qui laisse couler son eau chaude chez elle à journée longue, qui a la radio et la télévision allumée à journée longue pour remplir son espace sonore, la personne qui a toutes les lumières allumées dans sa maison parce que les interrupteurs, elle pense que ça sert rien qu'à allumer, ben elle n'économise pas l'énergie. Et elle va dire, ouais, mais c'est pas grave, les barrages tournent pareil, fait que l'énergie est économisée ou pas. L'idée n'est pas là. Puis l'idée est que même si c'est le concierge qui paye, même si c'est le propriétaire qui paye, que ça coûte rien, donc tu gaspilles pas plus d'énergie, l'idée n'est pas là. C'est que dans l'attitude de la personne face à l'énergie, il y a ce critère qu'elle se fout éperdument d'énergie. Et ce n'est pas écologique et ce n'est pas intelligent. Alors, la personne qui commence à économiser dans le plan matériel, qui commence à développer cette attitude psychologique de faire attention. Celui qui trouve une scène dans ses poches puis un mot de poubelle ne sait pas c'est quoi l'économie d'énergie. Il ne sait pas. Parce qu'en plus qu'il met du cuivre dans la poubelle, en plus il met une scène dans la poubelle. C'est-à-dire que de temps en temps, il se dit que son énergie, ben, cette énergie-là, c'est pas grave. Poubelle. Et ce n'est pas correct. C'est l'attitude. C'est pas plus grave que ça, c'est pas un péché, c'est l'attitude. Et lorsque l'attitude se développe de façon à ce que la personne arrive à penser énergie, pas à être avare d'énergie, parce que l'argent, on le sait, pour que qu'on en ait, il faut qu'elle roule. Donc, si on prend une énergie et que le corps qui exprime cette énergie fonctionne avec les lois dans le plan dans lequel il s'exprime, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui ramasse de l'argent et qui le met en banque, l'argent pourrit. Elle pourrit pas, c'est du bon papier, mais elle pourrit. En énergie. Le corps, l'argent, vaut plus rien, c'est de la merde. Mais lorsqu'on prend de l'argent et qu'on s'en sert, on la fait rouler, elle ne pourrit pas. Elle donne de l'argent à tout le monde. Alors donc, dans le plan physique, on garde ses molécules. Évidemment, je me coupe pas un pouce pour le donner à quelqu'un qui le mange pour qu'il en pousse un. Bon, je garde mon énergie dans le plan physique et je m'en sers. Dans le plan vital, je suis en relation avec l'énergie qui existe. Dans le plan vital, on doit en donner, mais de certaines manières, et on doit surtout en conserver dans le plan vital. On en donne pour pas créer, on en donne pour guérir, on en donne certaines choses. Normalement, on en donne beaucoup pour s'amuser. C'est la psychologie qui détermine le plaisir au niveau du plan vital. Bon. La personne qui arrive à contrôler ses échanges d'énergie, c'est simplement qu'elle voit l'intelligence de l'accumulation d'énergie et elle va comprendre. Et plus la personne a d'énergie, plus elle comprend l'importance d'avoir de l'énergie. Et étant donné que nous ne parlons pas que d'énergie matérielle, une personne qui a un degré énergétique suffisamment puissant n'a pas peur de perdre son énergie. Elle ne court pas après le fait d'en ramasser. Elle accumule. Il y en a suffisamment autour d'elle et elle en accumule. Elle va se grouper avec des personnes qui sont hautement pleines d'énergie. Ensemble, ils ne se têteront pas leur énergie. Ils vont travailler en collaboration pour améliorer leur entourage de façon à ramasser plus d'énergie. Et c'est normal. Sur tous les plans. Donc, présentement, la personne, il n'y a pas grand monde qui contrôle l'échange d'énergie, mais c'est facile à faire. C'est une attitude à développer dans la psychologie, parce que présentement, c'est la psychologie qui est le plus grand dépensier en énergie. Dépense énergie du plan physique, du plan vital, du plan mental. Y compris le plan psychologique, évidemment. Alors donc, il faut commencer par une attitude, et cette attitude se développe surtout par le plan matériel pour commencer, voir où on peut économiser et pourquoi il faut économiser. Pas le faire parce que je le dis, le faire parce qu'on comprend pourquoi économiser. Juste pour ça. Alors donc, le transfert d'énergie va être contrôlé par l'homme prochainement, par contre, l'homme doit s'y mettre. Présentement, il est contrôlé totalement. Et si j'ai besoin d'énergie, je vais voir quelqu'un, puis j'ai un soutien à la caisse. Bien facile. Puis si je veux en donner, ben je vais voir du monde, mais je vais leur en donner à la caisse. C'est bien facile, parce que le monde ne contrôle pas. Mais à un moment donné, il faut que vous arriviez à contrôler ce que vous recevez, ce que vous donnez. Parce que si vous recevez ce que vous voulez pas, ben ça le doit payer pour. Puis vous allez vous dire, ouais, il me l'a donné, mais j'en voulais pas. Moi, je voulais pas l'acheter. Moi, puis il me l'a poussé en dessous de la porte, puis je veux pas l'acheter, je le paye pas. À un moment donné, ben, t'as l'huissier qui vient te voir pis qui demande tant. T'auras beau expliquer ce que tu voudras, tu ne voulais pas retourner là. Ouais, mais crime, fallait que je mette un time, c'est de l'énergie pour aller jusqu'au bureau de poste. Oui, mais entre deux mal, tu prends le moins, là. C'était de l'énergie, mais que veux-tu? Fais-le. Parce que si tu prends pas tes responsabilités énergétiques, tu vas avoir à payer pour. Je le voulais pas, ben, arrange-toi pour ne pas l'avoir. Parce que si tu l'as pis tu le veux pas, ben, tu le veux assez pour l'avoir, ça paye pour. Puis dans tous les plans psychologiques, c'est la même chose. Quelqu'un vient vous voir sur votre banc d'autobus, puis vous le voulez pas, ce gars-là, puis il est en train de fouiller dans votre sacoche, ou ben non, il vous parle, puis il vous jase, puis il veut vous vendre du Krishna, puis vous le voulez pas, ben changez de banc. Parce que si vous sortez de là, puis vous avez avec un sac d'encens, puis des poupées, puis des chandelles, tout coloré, puis un disque, ben que vous le vouliez ou non, lui, il a de l'argent, il en voulait, puis vous avez ses cossins, puis vous les voulez pas. Mais ça t'envoie pareil. C'est vous autres qui êtes les boss. Vous devez devenir les boss de votre énergie parce qu'il n'y a rien à faire sans ça. Rien. Vous devez vous prendre en main. Dernière question aussi qui aurait pu être groupée de la première. Est-ce que l'orgueil serait le principal preneur d'énergie parce qu'il nous empêche d'être nous-mêmes? L'orgueil, c'est quoi? C'est le gros cheval de bataille de l'ego. L'ego, c'est la personnalisation, c'est la densification en un focus de l'expérience de l'homme. Vous êtes ce que vous avez été. Vous êtes ce que vous avez appris depuis votre naissance, aller jusqu'à maintenant. Et vous vous croyez ça, c'est votre ego. Et pour préserver cet ego, cette densification de votre expérience, dans lequel vous vous personnalisez, personnifiez, il y a l'orgueil. L'orgueil qui tend à nourrir l'ego. C'est-à-dire que l'ego crée à l'extérieur des conditions énergétiques qui vont être puisées par l'ego de façon à s'en nourrir. C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est un immense, disons, c'est un grand dépensier d'énergie, mais pas d'énergie psychologique, malgré que l'orgueil nourrit l'ego d'énergie astrale basse. Mais il dépense surtout sous tous les autres plans. Il dépense au niveau du plan mental parce qu'il assujettit l'intellect à ce que l'intelligence serve les désirs de l'ego. Il assujettit le plan vital au plaisir sexuel, par exemple. C'est pourquoi que, disons, être chaste, c'est presque d'être peu. Conserver son énergie. Mais celui qui est malade psychologiquement parce qu'il veut être chaste perd son énergie, c'est la même affaire. L'ego va se servir du corps physique pour créer dans l'extérieur des conditions à nourrir l'ego. Donc, l'orgueil, qui est le cheval de bataille, c'est ce qui dépense le plus, c'est ce qui tue l'homme au niveau physique, au niveau vital, au niveau mental, et c'est ce qui permet à l'homme de se nourrir d'énergie astrale basse, d'énergie émotive basse, d'énergie de désir basse. Donc, il n'y a pas d'évolution avec l'orgueil, et l'ego va disparaître chez l'homme. À un moment donné, l'homme n'aura plus d'ego. L'homme ne se laissera pas piler sur les pieds. Mais pas parce que ça le frustre. Parce que il va voir que c'est pas intelligent tel genre de situation, il va la corriger. Pas parce qu'il se sent frustré. Et présentement, l'homme corrige lorsqu'il se sent frustré plus souvent qu'autrement. Alors donc, l'orgueil va nourrir l'astral d'énergie basse et va dépenser incroyablement, il va tuer l'homme au niveau du plan physique, au niveau du plan vital, au niveau du plan mental. L'orgueil, ça tue comme la mort. Cette semaine, m'était prêté un livre où j'ai lu un chapitre de Richard Bach, Un pont sur l'infini. Puis ce bonhomme-là se battait contre toutes sortes d'injustices sociales. Puis à un moment donné, il décide de se construire une maison dans une montagne entourée d'une belle forêt, comme il a toujours voulu. Et il arrive une compagnie de bois qui décide de raser toute la montagne. Fait que là, il décide de se battre encore contre ça. Puis il se pose une question. Puis il avait pas la réponse. Je vais t'en poser. Il se dit, est-ce que c'est possible que, vu qu'il est habitué de se battre pour toutes sortes de causes, que l'esprit de la forêt l'ait appelé parce qu'il est habitué de se défendre, donc elle l'a appelé pour la défendre. C'est-tu possible un raisonnement comme ça aussi? En réalité, il est allé lui-même se placer quelque part où il pourrait continuer à être ce qu'il est. Un lutteur. Et la personne qui, après 27 ans, 30 ans de lutte, décide à un moment donné qu'elle veut se pacifier parce qu'elle est écœurée de lutter. Pas parce qu'elle voit l'intelligence. En dedans d'elle, elle reste ce qu'elle est. Alors, elle va se placer quelque part et on va continuer à l'embêter. Le plan astral va continuer à l'écœurer. Elle va continuer, elle va chercher ces endroits-là inconsciemment pour continuer à être ce qu'elle est. Et si cette personne devient sage, on vient couper les arbres, alors elle déménage chez Pénate, simplement, parce qu'on va bâtir ailleurs. On vient creuser une mine, elle déménage chez Pénate, sans bâtir ailleurs. Et à un moment donné, elle va avoir la paix. Et si elle est intelligente dans ce qu'elle fait, la première place où elle va aller, elle va avoir la paix. Et c'est ce qui différencie plusieurs formes d'hommes qui ont tout ou qui n'ont rien. Et à un moment donné, on va dire, mais c'est un maître, il maîtrise absolument rien, sauf qu'il est intelligent. C'est lui qui se maîtrise. Son plan mental maîtrise son plan psychologique qui manipule l'humanité pour l'instant, son plan de désir, son plan d'émotion. Et lorsque l'homme fait quelque chose, il le fait parce qu'il est sûr du résultat. Alors lui, à un moment donné, ton bonhomme, il a sacré son camp, il était écœuré du thé, il s'en va dans la forêt. La forêt ne l'a pas appelé. Il est allé se placer quelque part où c'était déjà prescrit qu'on allait couper du bois. Donc, étant relié au plan de l'astral qui a conscience de ça, inconsciemment, il est allé choisir l'endroit parfait, idéal, pour continuer à être ce qu'il est, un lutteur. Parce qu'une personne va dire, je suis comme ça, je peux pas changer, on me refait pas, ou j'ai 65 ans, on se refait plus. Il y en a qui disent, j'ai 22 ans, on se refait pas. Il y en a qui disent, j'ai 80 années, puis ils disent, il faut que jeunesse se passe. Bon. Alors, on a différents types de psychologie. Certains acceptent de se refaire parce qu'ils ne croient pas que ce qu'ils voient d'eux est eux autres. Donc, tu ne te refais pas, c'est vrai, mais tu peux refaire en maudit véhicule qui te permet l'expression. Physique, vital, astral, mental. La personne qui cesse de lutter doit cesser, pas parce qu'elle est tannée, parce qu'elle comprend l'utilité de la paix, l'inutilité de cette lutte. Ou elle va lutter parce que c'est intelligent de lutter, mais de façon à gagner. La majorité du monde qui lutte, lutte pour lutter. pas pour régler un problème, pour lutter. Parce qu'il y en a présentement qui luttent encore, puis le problème est réglé. On a ceux qui ont voulu lutter pour la condition féminine, on a ceux qui ont voulu lutter pour un paquet d'autres problèmes, on a des syndicalistes qui luttent à mort encore, puis qui ont des salaires à plus finir, il y en a qui luttent, le problème est réglé. Ils s'en rendront pas compte tout de suite, parce qu'ils luttent pas pour régler un problème, ils luttent pour lutter. Et ceux qui veulent évoluer, tellement risquent de ne jamais voir leur amélioration, parce que c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent lutter, ils veulent s'améliorer, mais d'une façon très, très, très astrale. Alors donc, ta personne, justement, c'est quoi la réponse? Ben, c'est bien simple, c'est qu'elle-même, elle est ce qu'elle est, puis elle voulait continuer à être ce qu'elle était. Alors, elle est allée dans un endroit parfait, où un événement est venu lui prouver qu'elle était toujours ce qu'elle était. Et elle ne comprend pas, mais c'est elle qui l'a appelée, elle l'a bâtie, elle l'a construit, elle l'a. L'homme peut facilement faire tout ce qu'il veut. Mais le maudit problème chez l'homme, c'est que les trois quarts de ce qu'il veut ne sont pas prévisibles, planifiables par sa conscience. Donc, l'homme croit qu'il a tout ce qu'il ne veut pas. Ce qui est faux. L'homme a ce qu'il veut. Par contre, l'homme s'autoprogramme pendant des années à vouloir, à créer, à travailler avec les plans de l'astral. Et lorsque l'homme a des résultats avec le plan de l'astral, ce n'est pas ce que la petite croûte de conscience veut avoir. C'est pour ça que cette croûte de conscience doit être désintégrée et que le plan mental doit prendre dessus sur le plan psychologique de façon à ce que l'homme sache ce qui se passe. De façon à ce que l'homme sache qu'est-ce qui est en train de se passer. De façon à ce que l'homme devienne un réel créateur. Pas un créateur qui plante un clou dans le bois puis qui découvre à un moment donné qu'il a bâti une maison, c'est pour ça qu'il voulait avoir, un char. Quelqu'un qui est capable de se servir de ce qu'il est, des forces sous-jacentes à lui, des forces du plan astral, pour créer de façon à ce que cela serve son amélioration. C'est ça que l'homme doit faire. Pas bâtir pour sa sécurité, pas bâtir pour la jouissance esthétique, pas bâtir pour les autres, bâtir quelque chose qui va lui permettre de s'améliorer. Et lorsqu'on va bâtir une société qui va permettre à l'homme de s'améliorer, on va être dans une société intelligente, avec des hommes intelligents, on sera plus dans une société malade. Et c'est pas en maudissant quoi que ce soit, c'est en commençant à se bâtir nous-mêmes, puis en créant des choses, puis en se groupant entre personnes qui veulent bâtir des choses pour s'améliorer. Pas juste s'asseoir pour prier. Ça a une utilité au niveau des égrégores astrales, c'est vrai. Mais il y a d'autres choses à faire parce que c'est une partie minuscule de ce que l'homme doit d'un outil, d'un des outils qui peut être accessible à l'homme. Alors l'homme doit faire autre chose que de prier, puis il faut s'entendre par prière. L'homme présentement quémande, à un moment donné, l'homme va devoir cesser de quémander. L'homme va devoir prier en ordonnant. Il va ordonner de deux façons, il va donner des ordres et il va mettre de l'ordre. Il va ordonner le plan astral. Et lorsque l'homme va ordonner le plan astral, l'homme va cesser d'être manipulé. L'homme, pour ordonner le plan astral, devra connaître complètement ce qu'est l'échange d'énergie pour qu'il cesse enfin de se faire têter, de se faire sucer par tous ces mécanismes astraux, par tout ce monde des morts, par tout ce monde parallèle qui vient lui le chercher parce que l'homme est celui qui a tout. Mais on lui a bien dit qu'il n'avait rien. C'est pas pour rien que tout le monde est mort, que tout le monde de l'astral s'intéresse à l'homme. Pas parce que l'homme a rien. Quand t'es mort, t'as pas plus que ce que t'avais quand t'étais vivant. T'as moins un corps physique de moins. L'homme a plus, mais l'homme ne le sait pas. Alors, à un moment donné, l'homme va cesser de prier en ce sens qu'il ne quémandera pas. Dernièrement, je donne un séminaire sur la colère mentale à ceux qui font le PMC, et on parlait du mot « Amen » qui veut dire « ainsi soit-il ». Mais en réalité, l'homme ne doit pas dire « ainsi soit-il ». Parce que lorsque vous avez prié quand vous étiez jeune ou lorsque vous priez présentement, et que vous finissez par « Amen », qui veut rien dire pour vous, ou par « ainsi soit-il », qui veut rien dire non plus. Qu'est-ce que ça veut dire « ainsi soit-il » Qui a étudié la phrase « ainsi soit-il » pour mettre l'énergie du « ainsi soit-il » dedans lorsqu'il s'en sert? « Ainsi soit-il » veut dire « qu'il en soit ainsi ». Et si « qu'il en soit ainsi », c'est un ordre. C'est un ordre que l'homme donne. Donnez-moi mon pain quotidien, qu'il en soit ainsi. C'est l'homme qui est de bœuf. Il ne quémande pas. Puis ça, l'homme va devoir arriver à un moment donné à ne plus quémander. Et on faisait référence à un moment donné aux Indiens d'Amérique, et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'énergie tellurique de la place leur a été bénéfique et va être bénéfique au Québec. Lorsque le chef indien disait ta, ta, ta, ta, ta, ta, j'ai dit. Il était capable de soutenir énergétiquement sa parole. Il avait le verbe. Il a perdu que la boisson. Tu peux pas boire quand tu parles. Et tu peux pas parler quand tu bois. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que celui qui présentement, ne connaît pas les liens de l'échange d'énergie, croit qu'il doit donner au monde de l'astral alors qu'en réalité, il doit attendre du monde de l'astral que celui-ci vienne le servir. L'homme a été suffisamment longtemps l'être créé par le monde de l'astral alors qu'en réalité, il a créé l'astral. L'homme a peut entrer en contact avec des plans supérieurs à ce plan de l'astral, à ce ciel planétaire, peut rentrer en contact avec des énergies qui viennent dans des cieux, mais l'homme n'a pas à prier. Il n'y a pas d'être supérieur intelligent qui attend que l'homme vienne têter pour lui donner quelque chose. Hein? Celui qui attend que son enfant se mette à genoux pour lui donner sa bouteille de lait, on va dire franchement, c'est un cave, c'est un pied, puis c'est pas un être humain. Il est plus beau que tous les êtres humains. Alors si un dieu doit attendre que tu te mettes à genoux, ben, il est encore plus bas que les êtres humains. Et effectivement, le dieu de l'astral est plus bas. À un moment donné, même le Nazaréen, lorsqu'il est venu enseigner la prière à l'homme, un jour, on va réenseigner comment prier. Ça s'en vient. Mais à un moment donné, on va donner des petits trucs comment reprier. Mais celui qui, le Nazaréen, à un moment donné, lorsqu'il est venu et qu'il a enseigné la prière, il l'a fini avec « qu'il en soit ainsi ». En latin, la formule avait une consonance. Mais il y a l'énergie verbale qu'on met dedans. Comment un être peut-il enseigner à l'homme à demander dans le plan de l'astral et à dire plus vous êtes, plus ça marche et finir la phrase en disant je suis le maître, qu'il en soit ainsi. C'est ça que ça veut dire. Ben simplement, c'est qu'il a joué un tour parce que tous les grands maîtres, les réels, sont pas cryptocopants. Il a joué un tour à l'humanité, parce que l'humanité croyait dur comme acier inoxydable, hein, c'est le plus dur qu'on a, au royaume des dieux. Et l'homme croyait qu'il devait prier, faire des sacrifices, faire des offrandes. Même le Nazaréen l'a dit, tu t'engueules avec ton frère, on va pas porter une offrande aux dieux. Ça. Commence par régler le conflit énergétique que t'as avec ton frère, puis après, si t'as du temps à perdre, tu iras faire ton offrande. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. Et lorsque lui a enseigné la prière, il l'a enseigné à des hommes qui n'auraient rien pu comprendre du mécanisme de commander le plan de l'astral, de commander le monde des dieux. Alors, il leur a enseigné comment prier, comment donner de l'énergie au plan de l'astral, de façon à ce qu'en retour, celui-ci les laisse en paix. Ne nous soumettez pas à la tentation, et c'est une prière qui est faite au pluriel. C'est pas « ne me soumets pas », c'est « ne nous soumets pas, donne-nous le pain ». Fallait que ce soit fait en groupe pour créer suffisamment d'énergie humaine vers l'astral, de façon à ce que ce plan psychologique de l'astral, cet astral planétaire qui manipule l'homme, soit suffisamment rassasié pendant un laps de temps, pas longtemps, très souvent, pour qu'il laisse l'homme en paix. Donc, il n'allait pas tenter l'homme pour que l'homme devienne colérique, de façon à ce que l'homme exprime cette énergie humaine vers le plan astral pour le nourrir. Vu que l'homme priait et nourrissait le plan astral, on le laissait en paix au niveau, on n'allait pas plus vite, on n'allait plus ailleurs. Et l'enseignement du Nazaréen au niveau énergétique a d'extraordinaire, qu'il a enseigné, si tu manges une claque, c'est une joue, c'est dans l'autre. Mais c'était pas dans, il faut bien comprendre que tu donnais suffisamment d'énergie au plan astral par ta prière pour qu'il te laisse en paix, que si l'astral manipulait un être qui le rendait belliqueux, colérique, venait de t'approcher, donne-en pas plus. Fais rien. Puis en groupe, en faisant rien de plus que la prière au plan de Dieu astral spirituel, tu avais la paix. Et tu augmentais ton énergie parce que tu en gaspillais moins. C'était préférable, c'est d'ailleurs encore préférable de prier que de se battre. Mais si à un moment donné, tu te fais attaquer par un envahisseur qui va te tuer, c'est préférable de battre que de prier. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, même à cette époque-là, le Nazaréen avait enseigné à l'homme comment qu'il était et finir par quand même sceller dans l'astral pour l'instant présent et pour l'éternité le fait que l'homme est le maître. Je broille, mais je suis mon seul maître. Qu'il en soit ainsi. L'homme l'a jamais dit bien puissamment, mais le fait de le dire a toujours gardé l'homme au niveau qu'il était quand même si l'homme l'ignore. Et l'astral s'est arrangé pour que l'homme l'ignore. Donc, mais présentement, l'homme, faut qu'il finisse par connaître c'est quoi ces choses-là. Quand l'homme a peur, il crée dans l'astral un égrégore. Et après ça, il se met juste devant pour le prier pour demander à l'égrégore de le laisser en paix. Ah oui, non. Et c'est ce que l'homme a fait. Et c'est pas parce que des milliards d'entités ont créé un astral extrêmement puissant que cet astral-là devient le créateur de l'homme. L'homme est de d'autres sources que le plan planétaire astral, que le plan de Dieu qui a besoin de sacrifices, de Dieu qui a besoin de choses. La prière, elle est efficace. Elle est bonne, mais à la condition que l'homme fasse attention à ce qu'il met comme énergie et de quelle façon il va échanger l'énergie que le plan des morts, ou que le plan des dieux. Parce que la majorité des dieux ont déjà été vivants. Parce que les dieux sont morts. Un dieu est venu avec son corps physique, il a enseigné l'homme, il a instruit l'homme, et aujourd'hui on le prie. Et que ce soit Manitou, que ce soit Krishna qui est venu sur la Terre, que ce soit la majorité des dieux, tous les dieux qu'on a, ce sont des dieux qui ont eu des consonances matérielles. Continuellement, que ce soit Apollon, que ce soit Thor, que ce soit tous les dieux. Mais ils ne sont plus physiques et on les prie. Parce que le monde des dieux que l'homme, lequel l'homme communique, c'est le monde des morts. C'est peut-être difficile à percevoir ou à comprendre, c'est peut-être même rochant pour certaines personnes ici, mais effectivement, l'homme a créé ce monde à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme, et présentement, un jour, d'ici même peu, d'ailleurs certains vont commencer très très très peu, l'homme va devoir apprendre une nouvelle forme de prière. Un jour, on a instruit l'homme, on lui a montré comment prier, et c'est le Nazaréen qui a fait ça. Aujourd'hui, à un moment donné, il va falloir que l'homme réapprenne à prier, mais non pas en commençant par le haut et à quémander et finir avec « Je suis mon seul maître », mais là, il va commencer avec cette chose en premier. Ce que je vais dire, c'est comme ça que ça va devoir marcher.